Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande pour partie grandir, de l'ouest. Il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière il de marcha voir dans choses, la forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers. Des murmures lui parvinrent, indistincts. Une minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon élève et adolescent à la fibre littéraire, Marcel Pagnol avait vocation à devenir professeur comme l'était son père. C'est d'ailleurs le métier qu'il a commencé à exercer jusqu'à ses premiers succès au théâtre et la découverte de sa vocation d'écrivain, de cinéaste et aussi d'homme d'affaires. Car Pagnol fut tout cela à la fois, lui qui développa ses propres studios à Marseille et qui eut à les faire tourner comme n'importe quelle entreprise, ce qui l'obligeait à maintenir une certaine cadence dans la production de ses films, ainsi que nous l'avons vu lundi avec Hélène Rivière lors de notre émission biographique. Marcel Pagnol est un écrivain du souvenir, du temps perdu et retrouvé. Un écrivain tout imprégné de tragédies antiques aussi, c'est Karine Anne qui nous en a parlé mardi au cours d'une émission à retrouver en podcast. Enfin, hier, nous nous sommes attardés avec Thierry D sur la Provence de Marcel Pagnol ainsi que sur son rapport à Jean Giono, dont il a adapté plusieurs récits au cinéma. Et aujourd'hui ? L'accent ne constitue pas en effet chez Pagnol un accessoire pittoresque, une note de couleur locale. Il est consubstantiel au texte et par là au personnage. Céro le possède comme d'autres ont la peau noire. L'accent est la matière même de leur langage, son réalisme. Aussi le cinéma de Pagnol est-il tout le contraire de théâtral. Il s'insère, par l'intermédiaire du verbe, dans la spécificité réaliste du film. Loin que le vrai décor méridional ne soit que l'adaptation de ses limites théâtrales, ce sont, au contraire, les servitudes scéniques qui imposent de substituer des panneaux de contreplaqué au garrigue provençal. Pagnol n'est pas un auteur dramatique converti au cinéma, mais l'un des plus grands auteurs de films parlants. D'un texte de André Bazin. Aujourd'hui, nous parlons de l'accent de Pagnol au théâtre, au cinéma et pourquoi pas sur micro-sillon. Autrement dit, nous parlons du régionalisme supposé de cet auteur et de son rapport aux différents médias qu'il a su pratiquer. Nous le faisons avec vous, Marion Brun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française, autrice de l'ouvrage Marcel Pagnol, classique populaire, qui est apparu en 2019 aux éditions Classique Garnier. Vos recherches portent principalement sur les questions de légitimité littéraire et aussi sur l'intermédialité. Qu'est-ce que c'est l'intermédialité ? Avant de commencer, on va peut-être faire une petite définition. C'est une notion qui permet en fait de réfléchir justement au transfert entre les différents médias, puisque Pagnol a commencé au théâtre et ensuite a adapté ses œuvres au cinéma, mais aussi sur disque et inversement a passé du cinéma aussi au roman avec Manon des Sources. C'est vraiment l'idée de réfléchir à comment les supports techniques influence finalement la réception que l'on a en fait de cette œuvre. Il y a une fluidité de l'œuvre de Marcel Pagnol qui passe d'un média à l'autre. C'est vrai que la technique, ça l'intéressait beaucoup aussi. Oui, tout à fait. On dit en fait que c'est un homme du son. D'ailleurs, ça va bien donc qu'il passe à la radio. Il passe bien à la radio d'ailleurs. Il a une belle voix de radio. C'est vrai, tout à fait. Et un bel accent aussi, on va en parler au cours de cette émission. Revenons peut-être un tout petit peu aussi avant de commencer sur le corpus pagnolien. Vous dites qu'il est triple. Il y a trois moments, trois étapes dans la vie et dans la carrière de Marcel Pagnol, qui d'ailleurs sont un petit peu concomitantes. Tout à fait. On commence par le théâtre, dans fin des années 20, début des années 30, qu'il va reprendre un petit peu après-guerre avec deux pièces dont on parle assez rarement, Judas et Fabien. Quand il décide finalement d'arrêter le cinéma après-guerre, parce que il explique que les conditions de production ont évolué après-guerre, qui sont devenues beaucoup plus difficiles. Et puis effectivement, il a vendu ses studios pendant la guerre, donc ça a changé en fait ses moyens de production. Et donc ensuite, la dernière étape finalement avec les romans et les souvenirs, qui sont un peu la phase un peu de grand-père, il fait un retour sur sa vie. Donc effectivement, on a vraiment marqué en fait ces trois phases, qui correspondent aussi, je trouve, à trois muses, finalement, puisque on a... Trois femmes, alors. Oui, on n'a plus le droit de dire muse, maintenant. Trois femmes, oui. Aurane de Mazy pour le théâtre. Josette D pour le cinéma et Jacqueline Pagnol ensuite pour la troisième phase, même si Jacqueline Pagnol a participé à ces films, mais voilà. Donc ça, c'est des concomitances qui sont signifiantes pour l'œuvre. Enfin, ces femmes ont eu une influence réelle sur à chaque fois ces périodes-là. En tout cas, je trouve que ce qui est marquant, c'est vraiment que c'est ce découpage de sa vie, elle vraiment fait en écho en fait à ces trois phases en fait de sa production, de sa création. Vraiment, Aurane de Mazy, elle est vraiment liée au théâtre, donc je pense que clairement, elle le rattache encore à l'univers théâtral davantage en fait que Josette D, par exemple. Enfin, c'est intéressant quand même de voir qu'à chaque moment de son parcours, il y a vraiment des longues séquences qui sont liées à un média en particulier, à une forme en tout cas artistique en particulier. Il dit en fait qu'à chaque fois, il recommence une carrière finalement, comme pour le roman en fait, qu'il s'invente romancier finalement sur la fin de sa vie, et que chaque technique implique en fait finalement une transformation finalement de son rapport totalement à cette création. Est-ce que le retour au roman peut aussi être expliqué par une envie de plus grande simplicité, la lourdeur du théâtre, du cinéma peut lui avoir pesé au fur et à mesure? Je me demande si c'est... Enfin, il dit en fait que quand il devient académicien, qu'il faut qu'il devienne sérieux. Quelque part, finalement, être romancier, ça fait plus sérieux que être cinéaste, réalisateur ou même dramaturge. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, en fait, de sa part, de vouloir marquer son temps et par l'écrit, quelque chose qui dure davantage, peut-être, encore. Ah, mais pourtant, imaginaire. Ce qui dure aujourd'hui de Pagnol, c'est quand même beaucoup le cinéma, non? Tout à fait. Finalement, en fait, s'il est reconnu, en fait, il est beaucoup plus reconnu par son cinéma, effectivement, que par son œuvre dramaturgique. Et pourtant, il prenait le cinéma comme un art mineur. Il y a de très grands chefs d'orchestre et il y a de très grands metteurs en scène. Mais l'art du chef d'orchestre est aussi un art mineur. L'art majeur, c'est la musique. C'est le compositeur qui l'exerce. Et au cinéma, c'est l'auteur dramatique qui exerce l'art majeur. D'ailleurs, je disais aussi... Le théâtre aussi est un art mineur. Le théâtre, c'est l'art de représenter une œuvre dramatique. Qui est-ce qui fait du théâtre? C'est le directeur du théâtre, c'est les comédiens, ce sont les machinistes, c'est l'ouvreuse, ce sont tous les gens qui travaillent à cette réalisation. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de mérite, mais je dis qu'ils n'ont pas créé l'œuvre. L'œuvre a été créée par l'art dramatique et par un auteur dramatique. Mais c'est une chose qu'on ne veut pas admettre encore même aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a avantage à ce que le compositeur soit en même temps chef d'orchestre? Ah, bien sûr. Bien sûr, mais à ce moment-là, le compositeur est d'abord compositeur. Il se met ensuite à son propre service pour interpréter son œuvre. Marcel Pagnol, interrogé au cours de l'émission, cinéaste de notre temps en 1966, c'est assez iconoclaste quand même comme déclaration, vous ne trouvez pas, Marion Brun? Oui, c'est ce genre de déclaration qui ont provoqué un peu les polémiques dans les années 30 finalement, hein, sur le théâtre filmé, hein, dont on l'accusait. Hein, et puis, alors lui se défendait en disant, mais non, regardez, je sors des studios, je vais filmer en extérieur. Mais est-ce que ça empêche vraiment de faire du théâtre filmé, d'avoir un décor naturel? Effectivement, il s'en défendait ainsi. Il parle aussi beaucoup de son emploi du travelling en fait, hein, dans le cinéma, pour essayer de justifier justement en fait, hein, que il fait vraiment usage de l'image, du montage, et que c'est pas seulement un homme à la caméra fixe, hein, sur un plan moyen, qui correspond finalement au plan de théâtre, et que cette marque du travelling pour lui est une marque de sa réalisation, de sa spécificité de réalisateur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est du théâtre filmé, en partie, Pagnol? Difficile à dire. Je ne crois pas, en fait, hein, que ce soit du théâtre filmé, notamment parce que ça ressemble pas du tout à ce que l'on retrouve quand on regarde un DVD, finalement, de théâtre filmé. Quand on est sur une scène et qu'on regarde, finalement, ça ne ressemble pas à ça. Ça n'a pas vieilli, en tout cas. En tout cas, pas à ce point-là. Il y a un interview, en fait, hein, de Rossellini, hein, dans Le Masque et la Plume, hein, qui est très intéressant là-dessus, justement, où on voit, en fait, hein, cette polémique qui revient, en fait, dans les années 70. Et j'ai l'impression, en fait, hein, que, effectivement, on parle, en fait, dans l'émission du Spoonz et de ce vieillissement, etc. Et Rossellini défend encore, en fait, hein, cette idée que non, Pagnol n'a pas tellement vieilli, et que il dit, hein, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est vraiment le cinéma, est-ce que cinéma c'est ça ou pas ça, il ne faut pas avoir, en fait, finalement, de doctrine cinéma. C'est ça son idée. Je pense qu'en fait, quand on emploie le mot théâtre filmé, on a une doctrine cinéma, et on dit ça ce n'est pas du cinéma, ça c'est du cinéma. Je pense que Rossellini a raison là-dessus. Quand vous dites « on », c'est qui? Qui est-ce qui juge comme ça, un peu de haut, Marcel Pagnol? La critique cinématographique, par exemple, Charançon, même en fait, quand on lit Bazin, hein, aussi, il est quand même assez dur, hein, aussi avec Pagnol, dans ses écrits. On va dire, il y a aussi René Clair, hein, qui... qui est à l'origine aussi de la polémique sur le théâtre filmé. Donc, on va dire qu'il a, à la fois, en fait, il a contre lui les gens aussi du théâtre, qui se sentent trahis, hein, et puis il a aussi les gens aussi du cinéma, qui estiment qu'il n'est pas légitime à faire du cinéma, qu'il doit revenir au théâtre. Il faut dire que quand il fait des déclarations comme celle qu'on vient d'entendre, en disant que bon, au fond, ce qui compte dans un film, c'est l'auteur du scénario, ce qui compte dans une pièce, c'est le dramaturge, et puis tout ce qu'il y a, tous les gens qui travaillent autour, bon, c'est pas tellement important. On imagine que quand même, c'était une personnalité, on dirait aujourd'hui clivante, non? Je pense que c'est vraiment qu'il est... Il est attaché, en fait, à l'idée d'auctorialité, à l'auteur, en fait, à lui-même. Et je pense que ça a pu faire du bien, effectivement, au cinéma, parce que il a été à l'origine d'une forme de cinéma d'auteur, notamment, qui défend davantage le scénariste comme auteur. Et dans un moment où, justement, le cinéma n'avait pas encore toutes les légitimités à être pensé comme un art avec une auctorialité et une marque stylistique du réalisateur comme du scénariste, sur le film, je pense que Pagnol a fait du bien là-dessus, en défendant l'auctorialité. Il a fait beaucoup de bien au cinéma, il y a d'ailleurs des gens qui l'ont vu, hein, parmi les cinéastes de la Nouvelle Vague notamment. Oui, plus avant, en fait, les cinéastes de la Nouvelle Vague, il y a les néo-réalistes, hein, qui, comme je te disais tout à l'heure, hein, se sont revendiqués, hein, de la, on va dire, la paternité pagnolienne. Notamment, Visconti, Rossellini. Qui vient, alors, d'où, qu'est-ce qui, dans le cinéma de Pagnol, leur permet d'y voir l'ancêtre du nouveau réalisme? Je pense, en fait, que ça vient de son emploi, notamment, hein, d'acteurs non professionnels, qui permet, en fait, hein, de donner une sorte de un imaginaire de spontanéité, en fait, hein, dans la manière, en fait, de tourner. et aussi ces fameux décors en naturel, hein, dans une époque où le maître mot était le studio, hein, Pagnol, en sortant de ce studio en partie, a donné en fait un des clés, on va dire, hein, aux néoréalistes pour penser en dehors du studio, le cinéma. Et puis en dehors du star system, c'est vraiment le contraire de Hollywood, Marcel Pagnol. Tout à fait. Il y a eu plusieurs propositions, hein, pour travailler à Hollywood et il avait toujours peur de perdre son indépendance. Hein, donc c'est vraiment l'idée d'un cinéma indépendant, un cinéma d'auteur, un cinéma indépendant avec lui. Et l'idée, en fait, qui lui fait peur à Hollywood, hein, c'est effectivement toujours cette question de l'auteur, que l'auteur en fait passe en arrière-plan et que les intentions d'auteur en fait ne soient pas respectées. C'est pour ça en fait que ses premières adaptations de Marius, hein, il avait toujours à cœur en fait d'être très présent en fait sur le lieu de tournage, malgré le fait qu'il n'était pas en charge de la réalisation. Et puis, le lieu de tournage qui, bien souvent, lui appartenait. Alors ça, c'est un fantasme qu'on peut avoir aussi des gens de la nouvelle vague, de maîtriser l'ensemble de la chaîne, puisque lui, les studios étaient les siens. Oui, et je pense que ça aussi, c'est vrai, ça fait fantasmer, effectivement, les gens de la nouvelle vague, cette idée de posséder, en fait, dans son intégralité, puisqu'il allait jusqu'à posséder aussi certaines salles de distribution. Hein, donc, il y avait vraiment une volonté de maîtrise, et c'est comme ça qu'il pouvait aussi assumer davantage en fait une auctorialité, puisqu'il avait vraiment l'impression, il dit, de la plume, hein, jusqu'à la distribution, jusqu'à la diffusion en fait, hein, il pouvait à chaque étape maîtriser en fait, hein, son œuvre. C'était ça l'objectif, d'avoir des studios à lui? Je pense, oui, que c'était vraiment cet objectif-là. Puis peut-être un peu aussi, effectivement, vous avez dit businessman, un homme d'affaires. Il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la rentabilité. Hein, ça lui permettait, en fait, de posséder ses moyens de production et donc davantage, ne pas avoir à payer, en fait, finalement, des studios. Et puis peut-être d'expérimenter des choses qu'il n'aurait pas pu expérimenter s'il avait dû rendre des comptes. Par exemple, c'est encore quelques tenants de la nouvelle vague qui disent qu'il a expérimenté un peu la caméra stylo, ce qui deviendrait la caméra stylo. Ça, c'est des choses qu'il peut faire parce qu'il bricole et il bricole chez lui, un petit peu comme dans un atelier qui lui est personnel. Oui, tout à fait. En fait, il a vraiment cette idée de l'artisanat chez lui. En fait, hein. Il se compare souvent à un artisan et aussi Renoir parle de lui, hein, vraiment comme d'un réalisateur qui est comme dans un atelier du Moyen-Âge, qui a ses petites mains et autour de lui, autour du maître, hein, il y a donc Pagnol, hein, qui maîtrise un peu toute cette chaîne là. Et c'est cette figure-là de l'artisan, vraiment il l'oppose en fait à l'industrie hollywoodienne. Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous sommes aujourd'hui avec Marion Brun pour parler de la postérité de Pagnol, parler aussi de son image, de sa légitimité. Tout ça, ça tourne un peu d'ailleurs autour de sa personne, parce qu'il l'a mise en scène, cette persona finalement. Il est lui-même un peu un personnage, non Pagnol, vous ne trouvez pas ? Oui, tout à fait. C'est un bon auteur aussi de storytelling, hein, qui se met en scène effectivement. L'anecdote, je trouve qui est la plus parlante pour cela, hein, c'est vraiment son entrée à l'académie, qui montre en fait vraiment en fait qu'il a cherché à faire un événement, un coup d'éclat médiatique, hein, avec cette entrée à l'académie. notamment parce que il invite les caméras à filmer en fait son entrée à l'académie. Et cette mise en scène hein, de se filmer comme ça à l'académie, ça permet hein, de vraiment affirmer l'idée que c'est le premier réalisateur à entrer dans l'académie et à finalement avoir la légitimité par ses textes scénaristiques hein, d'entrer à l'académie. Mais alors c'est à double tranchant hein, la légitimité de l'Académie française, parce que à la fois c'est une vraie légitimation de votre travail, mais ça a tendance aussi justement à vous ranger dans l'académisme. Oui, ça donne une impression en fait de vieillissement, d'arrière-garde. Il est un peu la victime encore aujourd'hui. Je pense un petit peu, oui, on a toujours un imaginaire assez vieillissant, assez patrimonial, je dirais, hein, de Pagnol. L'image du grand-père, finalement. Hein, et je pense que peut-être aussi le fait, en fait, hein, qu'il y ait cette prose assez limpide, on dit de texte de dictée, en fait. Hein, Il était content qu'on fasse des dictées avec ces textes. Oui, tout à fait. Hein, ça lui permet, en fait, hein, d'asseoir son image d'écrivain instituteur, hein, d'écrivain topaze, on pourrait dire, instituteur. Mais effectivement, ça donne un côté académique, lisse, à son œuvre, et donc ça contribue à la vieillir un peu. Alors son personnage, comment on pourrait le définir? Enfin, le personnage que lui-même se crée, il ressemble à quoi? C'est un personnage quand même qui évolue, on va dire. Hein. J'avais l'impression au début hein, quand il a son premier succès avec Topaz, c'est un peu un personnage de Rastignac ou le petit pion, on va dire, qui devient qui monte à Paris. Voilà, qui monte à Paris avec ses grandes ambitions, qui arrive à devenir quelqu'un, donc, hein, et puis qui a un vrai succès. On le compare aussi avec son succès aussi à un rigoulot de théâtre, donc c'est un boxeur en fait qui était connu à cette époque-là, donc quelqu'un, un battant qui arrive à imposer en fait ses vues au théâtre. D'ailleurs, il disait lui-même que s'il avait fait un combat malheureux, je crois, avec un certain Kid Francis, il aurait été boxeur. Est-ce qu'on peut le croire quand il dit ça? je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, je pense que parfois il y a un peu d'exagération de sa part. Et puis, je pense qu'il y avait, il y avait aussi la référence à une de ses premiers ouvrages qui s'appelle Le Direct au cœur, dont on parle très peu, mais voilà, qui est une première pièce de théâtre hein, qui est dans le milieu de la boxe, qui est autour du milieu de la boxe. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette réputation un peu de boxeur, de battant du théâtre. Et évidemment, ce personnage évolue ensuite quand il devient le traître s'est converti au cinéma. Donc on l'appelle parfois aussi une sorte de prophète hein, parce qu'il a des tables de la loi de sa cinématurgie finalement qu'on a un petit peu entendu quand il parle en fait hein, de la minorité du cinéma. Il dit quoi? Il dit hein, que finalement le cinéma vient, on va dire, est inspiré du théâtre. Donc à partir de cette maxime là, on va dire, on parle de lui comme de ce prophète qui annonce la mort du théâtre. Alors toujours sur cette idée du personnage Pagnol, vous allez même jusqu'à convoquer Guy Debord en disant que finalement il est dans la société du spectacle, lui aussi. Il a créé son personnage avec les caméras à l'Académie française. Est-ce que vous diriez qu'il a été une sorte de révolutionnaire quand même sous la coupole? Est-ce qu'il a dépoussiéré un petit peu ou en tout cas étonné à l'Académie? Il en parle quand il parle avec Georges Simenon et Simenon le rapporte dans ses mémoires. Hein, il dit que Pagnol a dit « Nous allons chambouler toutes les vieilles barres du Quai Conti » et donc il va avoir un aspect révolutionnaire. Bon, finalement, il y a beaucoup en fait hein, d'annonces, de principes, hein, de chambouler. Je pense qu'elle a été chamboulée dans son entrée, hein, avec les sunlight, sous la coupole, etc. Bon, ensuite, c'est un académicien académique. Voilà, relativement sage. Ensuite, on en entend moins parler après son finalement son premier coup d'éclat. C'est peut-être ça un peu Marcel Pagnol, c'est-à-dire ça paraît comme ça un petit peu déroutant, et puis finalement c'est assez sage. Donc ça plaît peut-être à un certain type de public. Je dis ça sans absolument aucun jugement de valeur, mais puisque votre livre porte un petit peu là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Sage, mais pas tout à fait. Je pense en fait que là, en tout cas, il y a une fascination de son personnage, notamment qui était certainement provocateur, un peu irrévérencieux, et qui a favorisé pendant tout le long de sa vie un vrai engouement pour lui et pour son œuvre, et que finalement, sans lui. Sans le personnage, ce personnage irrévérencieux et assez fascinant de conteur et puis de, oui, un peu de provocateur. C'est-à-dire les deux à la fois. Ouais. C'est ça qui est assez étonnant, c'est le côté provocateur un peu et conteur aussi. Mmh. En général, ça va pas tellement ensemble, si. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de paradoxes en fait. Hein. C'est plutôt assez, c'est un personnage assez complexe, un auteur assez complexe. Mais après, ça correspond peut-être aussi à deux temps de son œuvre. L'idée d'être conteur, c'est vraiment finalement dans sa période de vie plus vieillissante en fait, où il est conteur, alors que il est irrévérencieux, on va dire, jusqu'à l'académie peut-être. Hey, monsieur Bon, régalez-vous, voilà. Merci Marius. Alors, et ce Paris là, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille? Oh, mon cher César, à Paris, j'ai vu au moins 50 canne-bières. Quel exagérateur, alors. C'est 50 canne-bières. Alors, par exemple, ils ont dit que c'est nous, les Marseillais, qui exagérons. Ah, quelle mentalité, mon Dieu. Ah, vous êtes bien lyonnais, allez. Et dites-moi, monsieur Brun, vous êtes beaucoup promené là-bas, à Paris? Tous les jours. Ah, tous les jours, ouais. Alors, vous avez dû rencontrer Landolfi. Landolfi? Oui. Qui c'est Landolfi? C'est un Parisien. Un Parisien, un camarade de régiment à moi. Délaissant, pointu, par le Clepsé, vous savez. Un grand blond, avec des moustaches. Et puis il a le nez, là, au milieu, enfin, il a le nez, quoi, et puis il a les yeux qui parpelègent. Comment dites-vous? Les yeux qui... Comment ça se dit en français, Paris, ça? Ah, en français, on dit guincho. Eh bien, il a les yeux guincho. Oui. Oh, vous l'avez sûrement rencontré, voyons. Non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous l'avez pas vu? Non. Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Extrait de la version théâtrale de Marius avec Rému et Pierre Freinet, où Pagnol se moque lui-même un petit peu de ses origines marseillaises. C'est un peu une image qui lui colle à la peau, justement, d'être marseillais, tout ce régionalisme, cet écrivain paysan presque. Est-ce que pour vous, justement, c'est quelque chose de central pour Pagnol? Il a joué avec ça, en même temps, il faut peut-être pas le réduire à ça. C'est un auteur en fait qui vraiment est partagé là-dessus, je pense, et qui a longtemps hésité aussi. Hein. On voit bien qu'au début de sa carrière, il a vraiment envie en fait de produire une œuvre vraiment coupée de ses d'inspiration régionale. Quand on voit avec Topaz, enfin, toutes ces œuvres-là en fait, qui sont vraiment du boulevard parisien. Finalement, le succès, en fait, l'incite finalement à continuer, en fait, sur cette veine régionaliste. Mais il s'en défend, il essaye de se défendre, en fait, de toutes les la réduction que ça peut impliquer, en disant, en fait, que le régionalisme, finalement, toutes les grandes œuvres sont régionales, et que racine aussi est régionaliste, parce que finalement, il est parisien, donc c'est une forme de région. Bien sûr, en fait, c'est le local comme universel, c'est l'universel qui à chaque fois transparaît dans les œuvres de Pagnol. Même si j'ai du mal à être très à adhérer complètement à cette idée de l'universalité, qu'est-ce que ça veut dire, universalité, et pourquoi il faut, enfin, on la convoque toujours pour défendre défendre le régionalisme, pour essayer en fait de sortir en fait de cette question de la localité. Et je suis pas sûre que ce soit la notion la plus adéquate pour arriver à vraiment défendre les œuvres comme ça qui sont ancrées comme ça dans un territoire. Pour quelle raison ce ne serait pas la bonne façon de le faire? La façon dont se défend Pagnol est plutôt intelligente, je trouve. Il essaye en fait de ramener l'inspiration provençale à des classiques, à rappeler en fait que finalement il y a des classiques qui ont été inspirés par le paysage, on va dire, méditerranéen. Quand il essaye en fait de faire des parallèles finalement entre son œuvre à lui et l'œuvre virgilienne notamment, en montrant en fait que finalement ses romans ont quelque chose de bucolique et que voilà, finalement il y a une parenté en fait entre Provence et tradition virgilienne. Je trouve que c'est assez habile de sa part de le faire. C'est assez réel, mais enfin, il peut y avoir justement un dépassement du régionalisme par aussi des sentiments qui sont des sentiments que tout le monde éprouve, enfin, qui sont les grands sentiments que décrit Pagnol, et notamment l'amour, par exemple, qui en effet n'a pas tellement de différence d'une région à une autre. On ne peut pas dire universel dans ce cas-là. En tout cas, il dit là-dessus que ces grands thèmes, en fait, ce sont des lieux communs. Il dit l'amour, la femme mère, l'enfantement, l'enfant, l'eau, qui sont en fait des grands thèmes, des lieux communs. Il dit qu'il travaille que sur les lieux communs, le pain, l'eau. Oui. L'écologie, presque, on pourrait dire. Oui, on parle souvent en fait de l'écologie de Giono, et assez bizarrement peu en fait pour Pagnol, alors que effectivement c'est un élément qui est intéressant, puisqu'il a vraiment, je pense que son œuvre a vraiment contribué à la préservation en fait d'Aubagne, puisqu'il y a eu il y avait des projets immobiliers autour donc d'Aubagne, et finalement ça a créé des polémiques, et on a essayé de préserver ce territoire justement au nom des collines de Pagnol. Donc on voit qu'il a eu une vraie influence sur le territoire en lui-même. Et puis finalement les lieux de tournage aussi, en pleine nature, les ruines en fait de ces décors naturels, contribuent à la préservation aussi un peu de cette flore en fait. Provençale. Allez, on va continuer à parler de Pagnol avec vous, Marion Brun, juste après notre traditionnelle chronique du jeudi, autour aujourd'hui de son livre Cinématurgie de Paris. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec vous aujourd'hui, Jean-Louis Janel, professeur de lettres à Sorbonne Université. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pourquoi parler de cinématurgie de Paris? Pagnol est certes un réalisateur, mais il n'est pas resté forcément dans les mémoires comme un théoricien du cinéma. Oui, alors un peu à tort, à partie, parce que Pagnol a été à l'origine, alors c'était au tout début des années 1930, d'une querelle, la querelle dite du théâtre filmé, qui a été très souvent évoquée, aujourd'hui encore, mais sans que l'on prenne vraiment la peine de redécouvrir les textes des uns et des autres. Cette querelle, elle a été lancée par un article de Pagnol, c'était en mai 1930, qui s'intitulait « Le film parlant offre à l'écrivain des ressources nouvelles ». Elle a été ensuite relayée dans une revue que Pagnol a créée afin de donner un écho à ses positions. Elle s'intitulait « Les cahiers du film ». Tous ces arguments sont repris dans Cinématurgie de Paris. Ils n'ont rien de vraiment révolutionnaire. Pagnol y montre par exemple que contrairement au théâtre où la diversité dans une salle des angles de vue sur la scène contraint les dramaturges au déclamatoire, tous les spectateurs d'un film voient, eux, l'image exactement telle que l'objectif de la caméra l'a enregistrée. À cela vient s'ajouter le travail de la lumière, la variation de l'échelle, des plans ou alors le grossissement de l'image qui permettent d'accéder à un tragique ou un comique qu'ils jugent purement psychologique. Alors, qu'est-ce qu'a de si irritante la position de Pagnol aux yeux de tous les défenseurs du cinéma comme un art de l'image en mouvement? Elle tient à un axiome selon lequel le septième art est la nouvelle forme de l'écriture dramatique. Autrement dit, qu'il existe un art fondamental et universel, c'est l'art dramatique. C'est l'art d'agencer les actions et d'exprimer des sentiments par la parole, et que celui-ci subsume tous les autres arts de la scène, la pantomime, l'opéra, la chorégraphie, et puis le plus jeune, le plus prometteur d'entre eux, c'est le film parlant, bien sûr. Mais alors si la pantomime ou la chorégraphie qui sont muets font partie des arts dramatiques, pourquoi ne s'intéresser qu'au théâtre parlant? Le cinéma muet avait déjà inventé un langage qui passait par l'image et qui a donné de grands chefs-d'œuvre. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais aux yeux de Pagnol, le film muet représente une étape qui est dépassée. Celui-ci ne tirait sa force de diffusion à l'international, c'est les grands films de Chaplin ou d'Eisenstein, que de son infirmité, c'est-à-dire son mutisme. Et le son pour Pagnol n'est pas un simple ajout à un art qui aurait déjà trouvé son langage par les images. Pour lui, le cinéma, en tant qu'art dramatique, n'accomplit toutes ses potentialités qu'à travers réellement le dialogue. Et on se doute qu'une telle position irritait. On a identifié Pagnol à sa défense du théâtre filmé. C'est un terme très injurieux, s'il en est. Il est appliqué à ceux qui croyaient que mettre en boîte les meilleures pièces du répertoire allait ennoblir le cinéma, autrement dit l'arracher à l'ornière du divertissement populaire. Mais si, comme le voulait Pagnol, la valeur d'un film dépend avant tout du dramaturge, alors le reste doit en découler, c'est-à-dire la mise en scène, le jeu des acteurs, le choix des plans, etc. Tout cela doit contribuer à perfectionner ce qui constitue le cœur même de l'art dramatique, à savoir déterminer le centre d'intérêt du film, s'en servir en vue de contrôler l'attention du spectateur. Et sur ce point, étrangement, les idées de Pagnol ne sont pas si éloignées de ce que Hitchcock mettait déjà en œuvre dans ses films en Angleterre à l'époque, mais en accordant pour Hitchcock, donc, pour sa part, la priorité à la mise en scène et non pas à l'écriture dramatique. Et pourtant, Pagnol est passé lui aussi à la réalisation. Il a adapté lui-même le dernier opus de sa trilogie marseillaise, César, et c'est donc un film, ça s'écrit avec la caméra autant qu'avec le stylo, non ? Oui, tout à fait. Effectivement, il ne l'ignore pas. Pagnol, toutefois, est resté attaché, c'est assez étrange, mais à une poétique très néoclassique, proche de ce qu'on pourrait appeler, depuis la fin du XIXe siècle, le théâtre, tout ce qu'on appelait le théâtre bien fait. Alors, on lit même dans Cinématurgie de Paris une idée que je trouve assez aberrante, mais étonnante, que l'idée que Bérénice de Racine aurait tout à gagner à passer de la scène théâtrale à l'écran de cinéma. Et selon Pagnol, parce que cette dans cette pièce où toute l'action se réduit à rien, où tout le drame pourrait se concentrer sur les visages, il écrit « Ce parfait chef-d'œuvre pourrait enfin être joué à mi-voix, en plan rapproché, en gros plan, dans son véritable ton. » Alors, Bérénice chuchotée, filmée caméra à l'épaule, en plan rapproché, j'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu par cette perspective, sauf peut-être si Lars von Trier est choisi comme réalisateur. Mais je n'en pense pas moins que l'hypothèse initiale de Pagnol mérite d'être réexaminée. Que le théâtre et le cinéma puissent avoir en commun de relever de l'art dramatique me semble indéniable. Et toute la difficulté, c'est qu'au théâtre, il s'agit là d'une étape qui est suivie d'autres étapes d'écriture, d'autres formes. La dernière, c'est bien sûr celle du montage. D'une certaine manière, la théorie défendue par Pagnol, elle fonctionne lorsque le dramaturge maîtrise toute la suite du processus, lorsqu'il devient réalisateur. Vous l'avez dit, c'est ce que Pagnol va faire, mais paradoxalement, il le fait mieux lorsqu'il adapte les récits de confrères, comme Giono, Angèle, la femme du boulanger, que lorsqu'il tourne ses propres pièces, comme Topaz. Ce qu'il me semble essentiel de retenir de son hypothèse, c'est qu'il existe une identité de nature, d'un point de vue littéraire, entre la pièce et le scénario, et qu'en cas de non-réalisation, il ne va pas jusque-là, mais c'est ce qu'on peut en déduire d'une certaine manière, et la non-réalisation, elle arrive à beaucoup de scénarios, d'une certaine manière, dont le tournage a été abandonné à un stade ou à un autre, pour de multiples raisons. Lorsque donc le scénario est abandonné, le texte peut être rangé dans une espèce de bibliothèque des films à lire. Elle se constitue, cette bibliothèque. Les scénarios de Jacques Rivette ou de Bertrand Bonello, qui ont été publiés sous le même titre, Film Fantôme, en 2001 pour le premier, en 2014 pour le second, en offrent de très beaux exemples. Donc on a du coup envie de revoir sous cette perspective. Merci beaucoup. Merci. Jean-Louis Janel, à très bientôt. Et vous écoutez toujours la Compagnie des œuvres sur France Culture au dernier moment de notre semaine consacrée à Marcel Pagnol. Nous nous posons la question de sa réception et de la manière dont il est considéré, reconnu dans le monde culturel et universitaire. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi? Et toi, Escartefille, pourquoi tu ne réponds pas? Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es. Ça, ce n'est pas prouvé. On ne sait pas toujours ce qu'on est, il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas. Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour. Oh, 10 fois par jour, c'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête. Et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère? Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui. Et toi, tu ne peux pas me répondre? Et je craindrais de me tromper, moi. Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements? César! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique. Allons, César. Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun, vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à Hum, avec son air supérieur, je me fous de ce qu'il ne dit pas et de sa coqueluche des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des Scartefigues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de Monsieur Brun et vous dites que je suis coléreux? Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne fait jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien, et vous dites que je suis coléreux? Ce petit macaque là, hier, je lui dis, tiens, sers-moi un piquant, il me sert un piquant, il donne-moi de l'eau de sels, il prend le l'eau de sels, il appuie sur le siphon, il me le fait pisser dans la figure, et vous dites que je suis coléreux? Non, il n'est certainement pas coléreux, et il nous le prouve. Extrait du film César avec Rémus. C'est aussi parce qu'il est drôle qu'il rassemble comme ça un peu différents publics, non, Pagnol, Marion Brun? Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment un passage assez drôle ici. Hein. Après, la comédie est toujours problématique parce que, effectivement, la comédie reste un peu toujours dévaluée hein, par rapport à la tragédie. Hein, donc, il y a du tragique quand même aussi chez Pagnol. Il y a du drame, il y a de la tragédie, non? Oui, parfois on dit aussi du mélodrame, que ça tire trop un peu les larmes, que c'est un peu trop sentimental finalement. Donc, est-ce que c'est du mélodrame, de la tragédie? En tout cas, on voit que dans Manon des Sources, hein, il y a vraiment une volonté en fait de faire une tragédie. Que là, en fait, on pourrait dire que qu'avec cette ce meurtre en fait du fils de son propre fils sans savoir que c'est son fils, sans savoir que c'est son ce fils. Que César ouais. Inflige. On pourrait dire que là, hein, on a vraiment l'impression hein, qu'il essayait hein, en tout cas d'entrer dans la tragédie ici. Ouais. Alors populaire, faut s'arrêter un petit peu sur ce mot-là parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est quoi un cinéma populaire pour Marcel Pagnol, Marion Brun? Eh bien, on pourrait dire être au moins. Au moins en fait qu'il parle au peuple, hein, enfin qu'il est reçu par le peuple, aimé par le peuple alors. Aimé par le peuple, ouais, effectivement. Je pense que c'est cette idée-là qui est la reconnaissance en fait d'un grand nombre, une reconnaissance d'un grand nombre. Mais qui parle aussi du peuple. Qui parle aussi du peuple, effectivement, qui représente aussi, le peuple, effectivement. Mmh. Et qui s'adresse à l'ensemble des citoyens. Est-ce que vous avez cette impression-là que Pagnol, c'est pour tout le monde, c'est à la fois pour une certaine élite et c'est à la fois n'importe qui peut apprécier Pagnol. Je pense oui qu'il y a quelque chose d'assez démocratique chez Pagnol, assez républicain même en fait. Hein. Ah oui, républicain, ça vient de son père peut-être. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a vraiment une idée de diffuser en fait hein, finalement une. Comme disait Jean-Louis Janel, hein, vraiment un théâtre de qualité, hein, au plus grand nombre, hein, avec un souci en fait de qualité. C'est là qu'en fait on pourrait dire classique, un souci de qualité, mais qui s'adresse quand même au plus grand nombre. Mais alors, est-ce qu'on peut le mettre du côté des Vitesse, des Villars, des Copeaux, de ce théâtre populaire, du théâtre qui se disait, entre guillemets, élitaire pour tous? C'est pas tout à fait la même tradition, notamment parce que ce n'est pas du théâtre. Enfin, Pagnol ne fait pas en fait du théâtre public, il en fait du théâtre dans le théâtre privé. Est-ce que c'est du théâtre de boulevard pour autant? En tout cas, en fait, il a été monté au boulevard, on va dire. Donc, c'est-à-dire que il a fait un choix à un moment en fait de sa carrière, au moment en fait de Topaz, d'être représenté vraiment au Théâtre des Variétés dans le boulevard. Donc, dans des lieux, en tout cas, qui sont marqués comme théâtre de boulevard. Effectivement, en fait, sa carrière dramatique n'avait pas commencé véritablement au boulevard, hein, puisque finalement, c'est sur le conseil en fait d'André Antoine hein, qu'il propose Topaz à Max Morais au Théâtre des Variétés. Et en fait, le cartel, hein, donc hein, le cartel donc au théâtre, donc qui représente l'avant-garde dramatique hein, dans l'entre-deux-guerres, lui dit « tu roules à l'égout », c'est ce qu'il raconte dans sa préface hein, de Topaz. Donc il y a eu vraiment un moment en fait charnière là à ce moment-là où on peut se dire qu'il a choisi là le boulevard alors que finalement au départ il ne voulait pas particulièrement être monté dans un théâtre de boulevard. Mmh. Mais est-ce qu'il y a chez lui un rapport politique, puisqu'on parle du peuple, bon c'est un mot qu'il faut mettre entre des guillemets évidemment, mais voilà l'idée d'éduquer un petit peu, enfin en tout cas de proposer des choses qui sont considérées comme étant intelligentes, intéressantes, au plus grand nombre. Il y a ça chez lui? Son côté prof justement, son côté instituteur Je sais pas quelle leçon d'en tirer en fait dans ce cas-là en fait véritablement dans Topaz on a peut-être la notion sur la question de l'argent la représentation de cette société non, tout simplement du théâtre de qualité c'est-à-dire avec une certaine exigence dans l'écriture et qui soit en même temps accessible à tous. Il y a un interview d'un jeune ouvrier en fait hein, qui parle en fait hein, de au moment en fait du lancement du livre de poche du fait qu'il a emprunté la femme du boulanger pour le lire et c'est très touchant parce qu'on voit vraiment que c'est un jeune garçon qui a vraiment du mal à s'exprimer etc qui vient vraiment d'un milieu pauvre hein, et en fait, hein, il dit qu'il a emprunté le livre de poche de la femme du boulanger parce qu'il n'avait pas tout compris quand il avait vu le film. Et donc, c'était pour mieux comprendre tout ça. Donc, on voit là, en fait, hein, vraiment, peut-être une portée éducative, en tout cas, hein, de ce... Ouais, de... Et vous, en tant que professeur, quand vous avez été enseignante en classe de première, vous avez fait étudier aussi Pagnol. Ça a bien marché? Oui, j'ai étudié Manon des Sources hein, en œuvre intégrale. Et effectivement, ouais, ça a plutôt bien marché. Hein, on a vraiment étudié justement cette question de la tragédie, un roman tragique. Mmh. Alors parlons un petit peu de votre autre sujet qui est l'intermédialité. Pagnol a mis plusieurs films, beaucoup de temps, à cesser d'être l'homme de théâtre et à quitter l'écriture proprement théâtrale pour élaborer, il est sorti de lui dans ses films, une dramaturgie filmique qui lui était propre, qui était vraiment propre au cinéma et dont la caractéristique principale, à moi, me semble moins ce qu'on a pu repérer, qui annonçait le néo-réalisme italien. Ça, c'est les parentés méditerranéennes. Il y a un cinéma d'inspiration méditerranéenne, c'est indéniable. Mais plus son apport, c'était que cette dramaturgie à lui renvoyait au romanesque. Elle introduisait des choses que n'avait dit jusqu'ici que le roman et que le cinéma s'en était approché dans la structure des récits, par exemple, hein, dans la manière de manipuler des scènes, des séquences, dans le rapport entre elles, comme c'est le cas dans le roman. Mais c'était jusque-là plutôt dans les détails, de la mise en scène, dans les détails de l'interprétation, dans des choses qui étaient montrées au cours d'une séquence, qu'on pouvait sentir la présence du romanesque. Alors que là, avec Pagnol, je trouve que c'est dans la structure du récit tout entier, de l'espace filmique, de l'écriture filmique. Il est passé au cinéma dans ce mouvement où le théâtre venait au cinéma, où le cinéma avait besoin du théâtre à cause du parlant. Au début, les films, ces films pouvaient être aussi bien mis à la scène que mis à l'écran, éventuellement ils les laissaient faire par d'autres. Et puis il y a l'espace provençal qui a joué un rôle dans son inspiration de plus en plus grand. Et au cinéma, le temps c'est l'espace, l'espace c'est le temps plus que dans n'importe quelle autre discipline. Et par là, il a accédé à une écriture qui lui était absolument personnelle, absolument rattachable à tous les grands courants de notre culture nationale, un cinéma profondément français. En même temps, qu'il était français aussi parce qu'il renvoyait à des spécificités régionales. Le réalisateur marseillais René Alliot. Alors Marion Brun, théâtre, cinéma, roman, Pagnol se situe entre ces différents médias et ils s'enrichissent à chaque fois qu'une histoire de Pagnol passe de l'un à l'autre, on en garde quelque chose en plus. C'est comme si l'histoire était un petit peu augmentée. Oui, tout à fait. Ben, l'itinéraire de Manon des Sources est pour le coup vraiment intermédial, hein, puisqu'il commence en fait par un film en 52, et puis ensuite hein, il devient, avec L'eau des collines, hein, en 63, un roman. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que autant on adapte des romans au cinéma, autant faire des romans à partir de films, c'est très rare, c'est peut-être un des premiers à faire ça. Ouais, on donne maintenant le terme de novélisation, hein, de cette adaptation un peu à l'envers hein, qu'on attend pas forcément hein, de passer en fait du film au roman. Ici, hein, en plus, effectivement, c'est particulièrement augmenté puisque là, avec Jean de Florette, hein, on a finalement l'histoire en amont hein, qui est augmentée. Puis vraiment cette ce diptyque hein, qui voilà, permet en fait de donner de l'ampleur en fait à ce film fleuve. Hein. On a dit en fait que c'était un film Mississippi puisqu'il durait très longtemps. Donc hein, finalement, le roman permettait, je pense à Pagnol, de pouvoir développer en fait cette histoire qu'il ne pouvait pas en fait développer finalement en deux heures de temps au cinéma. Mmh. Qu'est-ce qui finalement vous semble caractéristique de la façon de faire de Pagnol dans cette intermédialité? En quoi c'est vraiment lui que de faire ce genre de choses? Eh bien, il y a vraiment aussi la volonté, je pense aussi, de diffuser par différents biais, en fait. Hein, ça, c'est l'homme d'affaires, alors? Oui, on a fait un film qui marche bien, on en fait un livre qui va bien marcher aussi. Il y a aussi il y a un peu cette idée-là, je pense aussi, hein, de vraiment de multiplier un petit peu les supports, voilà, comme une sorte de produit dérivé aussi quelque part dans cette perspective-là. Et puis effectivement, il y a aussi des recherches, je pense aussi, de légitimité en fait en passant dans certains médias en fait, hein. Notamment quand il commence César, enfin il crée César par exemple pour l'écran et ensuite il le transpose en 46 au théâtre. Il y a aussi l'idée hein, toujours en fait hein, d'affirmer que les scénarios sont comme des pièces et donc quelque part en fait de chercher en fait la légitimité hein, de ces scénarios hein, en tant que œuvre. Dramatique. Allez, pour le plaisir, un extrait de Manon des Sources. Menuisier, le bon Dieu, n'a pas besoin de rien apprendre. Il voit tout et il sait tout. Sur le moment, il n'a rien dit, mais après, il te prépare une bonne sécheresse et pend sur les oreilles. Mais enfin, messieurs, est-ce que ce crime collectif est si atroce qu'il soit impossible de l'avouer? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? C'est que justement, nous n'avons rien fait. C'est lui qui a fait. Moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu le sais bien. Tu as fait la mauvaise action. Oh, mais dites, quand t'as accusé quelqu'un, il faut prouver, hein? Il suffit pas de faire des rencontres et des grimaces. Moi, si on dit des choses comme ça, je vais me plaindre au commissaire en ville. Parce que c'est pas vrai. Et puis moi, j'ai peur de personne. Moi, j'ai ma conscience, moi. Il y en a qui mettent de l'eau dans le nez pour vendre. Et d'autres qui font des caisses de mort avec un enfant en bois blanc. Et d'autres qui vendent le pain pas bien cuit pour qu'il pèse plus. Et quand je le vois, je dis rien. Mais s'il faut que je parle, je parlerai. Parce que moi, hein... Mais voici quelqu'un. qui pourrait peut-être apporter quelques éclaircissements indispensables pour tirer le chien dent au soleil. Bien, c'est rien. Elle n'était pas née, mais son père aurait pu lui dire. Mais lui dire quoi? Son père non plus n'a jamais rien su. Monsieur l'instituteur, on finira par tout vous dire. Il ne faudrait pas croire non plus qu'il s'agit simplement de faire un produit dérivé. Il y a une différence dans les intrigues et on ne peut pas dire que le roman, les livres, L'eau des collines, soit moins bon, moins intéressant que Manon des sources. Donc il y a sans cesse comme une espèce de rumination aussi des mêmes histoires chez Pagnol qui, bon, à un moment donné, il en fait un film, mais ça reste quand même en lui, ça reste chez lui. Il a besoin d'y revenir, voire de changer un certain nombre de choses, Marion Brun. Oui, il y a une idée en fait vraiment de réécriture constante, voilà, d'amélioration aussi, je pense en fait, et finalement la réécriture passe finalement effectivement par d'autres médias. Pour Manon des sources, oui, ben le film est quand même centré sur un procès qui disparaît complètement du roman, hein, qui donne vraiment une idée dans le film que c'est une sorte de chasse aux sorcières, donc vraiment qui insiste sur l'idée en fait hein, d'une femme femme sorcière en fait hein, qui suscite du coup la désapprobation en fait du village, alors que le roman est beaucoup plus centré finalement sur Jean de Florette, la mort du fils, quelque chose hein, de beaucoup plus dans le temps, enfin dans la durée. Je pense que la tonalité change aussi. Hein. Le film, même si il y a des, je pense que les éléments comiques sont plus importants dans le film finalement que dans le roman. C'est parce qu'il a changé aussi il y a 10 ans, presque 10 ans, hein, entre l'un et l'autre, entre le film et les livres. Oui, et je pense aussi que ça tient aussi aux médias en fait. Enfin, peut-être que finalement. Pour le cinéma, il imagine plus quelque chose en fait hein, de une fresque comme ça populaire, donc qui suscite le rire, etc. Et que pour le roman, dans son imaginaire en fait hein, de romancier, académicien, ouais, de littérature, de faire une grande œuvre, hein, il choisit en fait hein, une tonalité plus sérieuse, plus. Il y a aussi les œuvres sonores. On a commencé cette émission en disant qu'il avait une voix assez fantastique. Et donc, il a fait des enregistrements de son œuvre théâtrale aussi, Marion oui, Brun. Oui, tout à fait. Il a fait notamment, donc, il y a des passages hein, de Manon des sources hein, qui sont passés à la radio, du Luxembourg en 64. Donc, le passage de Pique Boufig et Joséphin. Et puis, il y a la gloire de mon père hein, donc, qui a été enregistré également et qui sur disque. Et puis finalement, il a un rapport effectivement au son assez important parce que finalement, il y a des disques en fait qui paraissent en fait hein, des bandes son en fait de ses films. Et il a à cœur en fait hein, de toujours les sortir ces disques là. Hein. Donc on voit bien en fait qu'il a un rapport au son particulièrement. Pourtant, il aimait pas quand il y avait trop de cigales hein, quand il tournait en extérieur. Ça l'agaçait plutôt. Il disait que ça participait en fait au réalisme de... Mais il ne fallait pas qu'il y en ait trop. Quand même. Est-ce que c'est un poète, Marcel Pagnol, selon vous? Un poète, il a commencé en tout cas, il a les toutes premières œuvres en fait. Hein, il y a quelques poèmes qui paraissent de Pagnol, hein, dans Fortunio, dans la première revue qui est devenue Les Cahiers du Sud. Et ces poèmes ont donné un petit recueil qui s'appelle Le Livre de la Nature, où effectivement, là, en fait, la veine bucolique hein, qui a après inspiré ensuite ses œuvres en prose et même son théâtre et son cinéma, cette veine bucolique est toujours présente. Donc on pourrait dire, hein, oui, hein, il y a quelque chose de virgilien, effectivement, chez Pagnol. En tout cas, vous êtes également poétesse, on ne l'a pas dit, Marion Brun, puisque vous avez publié aux éditions de l'Harmattan deux recueils, Je cours après la joie en 2008 et puis Topic en 2013. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui pour aller plus loin. On peut également lire de vous sur Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, classique populaire, publié par les éditions Classique Garnier. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et aujourd'hui à la console, Alexandre Dang. Demain, c'est la compagnie des poètes que vous retrouverez avec Manu Farine. En ce qui nous concerne, nous continuerons la semaine prochaine à parler de cinéma et en l'occurrence de Luchino Visconti. Tout de suite, les sciences.